Ils ont voulu me stopper, disaient que j'avais pas la carrure. Et gros, si tu crois ça, viens donc tester la morsure. J'étais jeune, galérien, puis le rap est apparu. DJ May se remballe, check devant haters, mec t'as Paris. Écoute pas les jaloux, leur menace, gros, c'est du son. J'aurais pas un place de plus, donc remballe ta séduction. Et yo, j'suis pas de ceux qui parlent carré pour le style. Constamment siffle leur jeu, parce qu'y'a personne sur le stade. Néga, néga négatif, j'fais mon retour. Mon maxi fait des jaloux, comme Sasuke dans Naruto. Mon album, c'est la lucarne, c'est maxi, c'est le coup franc, c'est le deuxième round. J'reviens dans ta gueule comme un boomerang. Gros big up à ceux qui ont écouté mon itinéraire. À ce qui paraît, tu m'aimes pas, mais tu sais que mon rythme il est frais. Je freestyle quand tu veux sur une instru sur du beatbox. Le hip hop, le hip hop, le hip hop. J'reviens avec toute ma rage. Des phases qui annoncent l'orage. Quand j'ai faim, remballe ton verre d'eau. Première injection avant l'overdose. J'reviens avec toute ma rage. Des phases qui annoncent l'orage. Quand j'ai faim, remballe ton verre d'eau. Première injection avant l'overdose. Rapper le beat saigne et frapper le kick sec. J'rappais les fils lèvres, maxi pas mixtape. Nec, tu sais qui c'est. En live en pixel, utopie de succès. Néga négatif, dans la musique j'suis SDF. J'ai pas d'amis, j'ai pas de maison de disque. J'prendrais trop de risques à être positif. Tous mes sons le disent. C'est le coup de chaud avant la déflagration. Le kiff avant la passion. L'on sait tendre avant les affiches. J'suis pas numéro 10, j'suis attaquant numéro 11. Hey, solitaire dans le 11, j'pense qu'il y a rien qu'une rose dans 6 milliards de roses. J'fais qu'un maxi pour chauffer tête un pan. J'm'en fous de plaire à tête un but. De foutre la rage est trop tentant. J'arrive avec mon tapure. Ma sale gueule de faux content. Percer ça prend du temps, c'est dur. Mais vas-y gros, il faut qu'on tente. Que son me mord, sans que j'patiente. Et moi, j'suis toujours là dans l'attente. J'suis toujours là dans l'attente, biatch. J'reviens avec toute ma rage. Des phases qui annoncent l'orage. Quand j'ai faim, remballe ton verre d'eau. Première injection avant l'overdose. J'reviens avec toute ma rage. Des phases qui annoncent l'orage. Quand j'ai faim, remballe ton verre d'eau. Première injection avant l'overdose.